Une fois par semaine, la radio-télévision suisse, RTS, présente une émission qui s'appelle 26 minutes plus tôt. C'est un faux magazine d'actualité hebdomadaire présenté par Vincent Cuchol et Vincent Veillon qui passe en revue les nouveautés de la Suisse et du monde entier. L'émission traite à chaque fois un sujet actuel et dure environ 5 minutes. Dans l'extrait que j'ai choisi, le présentateur interviewe Jochen Schmucki. Ce dernier est invité pour discuter des résultats étonnants des sondages en comparaison avec le résultat de la votation pour Donald Trump. Jochen Schmucki est un chercheur dans un institut de sondage qui essaye donc d'expliquer pourquoi les projections de vote ne correspondent pas à l'élection présidentielle américaine.